pouvoir, dans ton pouvoir, respecte les frontières pour éviter prématurément les cimetières. N'attendra pas la canicule, c'est direct. La vie est une chienne, baisse là. Tu ne veux pas qu'il te gagne. Y'a pas de place pour les fêtes. Soit tu manges, soit tu crèves. Ouais, c'est ça, et ça reste comme ça. On ne change pas les règles. Parce que la vie est une chienne, baisse là. Tu ne veux pas qu'il te gagne. Y'a pas de place pour les fêtes. Soit tu manges, soit tu crèves. Ouais, c'est ça, et ça reste comme ça. On ne change pas les règles. Vas-y pas, tu sais faire ça. Moi je te calcule pas et je m'en fous que tu m'aimes ou pas. Mais avant tout mettons les choses claires. Moi je fais pas ça pour te plaire. Wesh wesh, ferme ta grande gueule. Tu te crois supérieur. La vie est trop cruelle. Mais je t'ai dit ferme ta grande gueule. Fais pas ton poste dans les ruelles. T'es qu'une sale pute, t'es qu'une tapette. Ferme ton cul, t'as rien à dire. Tu veux pas peur à une mouche, tu veux jouer au dur. Suisse ma bite trop fort, je suis pas là pour se mettre d'accord. Écoute-moi bien, Arsalon. Tu pulls le fromage en vrai, t'es qu'un charlot. Je concule dès que tu me vois traverser. Constat, je suis trop pressé. Fume une grosse bête, je vais tout casser, nickel hala, jusqu'à ce qu'on me respecte. Ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes, bien plus que nos capacités. Si tu marches le vêtement dur, si tu restes assis, il s'use. Le courage, c'est quelque chose qui s'organise. Parce que la vie est une chienne, baisse là. Je ne veux pas qu'il te gagne, y'a pas de place pour les fesses. Soit tu manges, soit tu crèves. Ouais, c'est ça, et ça reste comme ça. On change pas les règles. Parce que la vie est une chienne, baisse là. Je ne veux pas qu'il te gagne.